Ordintzik ingia minibat aipatzeko mauleko ehogia. Ordin lehenik ohitazten halde ikusia minibat zer egiten duzien mauleko ehogian, zertien zien aktivitate principalak. Be, mauleko abatorgin, aktivitate principala duzu ehaitia, kabale haitia. Importantena behiak dutzu, bat dutzu bizpalau klient handi. Vignaz, Raliz, Adar eta Xurria, hoik klient handientak eta geho batutzu banta direktan gainen laboaieke bek kabale hoazten izi geho muztuik izateko eta bek xaltzeko agia. Eta geho baduzu urde haite aminibate partikiliekin, betik aminibat, hoitutzu aktivitate importantenak egin batu agin. Ehaiten duzu eta bai musten, hoi da? Musten dizugu laboiek bek xaltzen dien bat izi laboi sumaitek bante direkte egiten, ordin hentako musten dizugu eta geho sumaitek konjelatur hilako asurki edo atzarki edo xahalki halduza egiten mustia bentako. Bai. Eztazten ala ikusia, minu bat sumat langile bat dien, uai, abatorin? Donc à l'abattoir, il y a un compte de 35 personnes, tout compris entre le bureau, les opérateurs et la partie des coupes. Donc il y a deux parties bien distinctes, c'est la partie abattage et la partie des coupes. Donc le décompte exact, une quinzaine je crois à la partie des coupes, le reste à la partie abattage. Donc ça pour la présentation. Après il y a donc un responsable qualité qui gère un peu tout ça et qui depuis quelque temps voilà fait un peu le rôle du directeur, parce que je pense qu'on va en venir, voilà, un nouveau directeur va arriver mais qui n'est pas encore là. Donc on assure l'intérim pour l'instant avec beaucoup avec le responsable qualité. Eta justuki usu aipatzen dugu hola langileen atzamaiteko zumaitetan ez dela beti aija. Hor naldetik, kambiada menik izan dea? Ez, betik langile txakatzen egutut. Hor justut bat duz bat kutsidiz instalatu behita. Geo zen zuzendaia ezunduz eta huea izuzen hiltegin lanin. Ordin bat zututzen biga mentz eta wano balukez bizpahi u langile mentz. Ordin zumaitek behatzen badi. Aldutzu prezentatzen tranquil, belnekia behala zabanitik ezi. Eta justoki, ordin be, zuzendai ez kamiatzen duzie, esplikatzen halde guzie zentako? Bai, donc l'ancien directeur qui était en place depuis 2016 a démissionné, a décidé de démissionner, nous a donné sa lettre de démission. Donc il a terminé depuis le 12 janvier, donc il a fallu partir à la recherche d'un nouveau directeur. Mais voilà, bon, chose qui n'était vraiment pas simple. Bon, aujourd'hui, on a eu 4 candidatures et donc une candidature a été retenue. Donc je pense qu'on peut la nommer, c'est David Sekalo, que je pense que tout le monde connaît ici en Soule. Donc nous, on est très satisfaits parce que ça reste quand même quelqu'un du territoire qui connaît un peu la spécificité de l'abattoir de Montléon. C'est-à-dire le multi-espèce qui a failli disparaître à l'époque. Bon, c'est un peu notre cheval de bataille ici, nous, le nouveau conseil d'administration. On veut vraiment préserver cet outil parce qu'il est plus qu'important. J'ai même envie de dire qu'il est vital pour nos agriculteurs. Bon, Pierre parlait de la vente directe, mais beaucoup se lancent dans la vente directe de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est un outil indispensable pour ce type de production, pour ce type d'activité qu'on voit se développer en Soule. Eta justuki esplikatzen alde ikusi, zer da zuzendai baten belana eta ziek ebai zien kargin, administrazio kontseilin, ze egiten duzie? Donc voilà, le directeur il aura un gros travail surtout auprès des vétérinaires, voilà, pour expliquer un peu le fonctionnement. L'abattoir fonctionne avec les services vétérinaires qui sont là tout le temps pour inspecter les vaches, les bêtes avant d'être tuées. Après il y a le fonctionnement de l'abattoir aussi est très suivi. Ça devient très très très très strict, j'ai envie de dire, parce que depuis il ne faut pas se cacher, depuis l'histoire de 2016 à l'abattoir de Montléon, on est un peu surveillé par les vétérinaires comme le lait sur le feu, donc on n'a peut-être pas droit à l'erreur. je sais pas, mais après, je veux aussi souligner quand même qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits de ce côté-là. Aujourd'hui, même les vétérinaires nous le disent, ils n'ont plus rien à reprocher, ou ils n'ont rien à reprocher aux opérateurs. Donc, bien sûr qu'il faut rester vigilant. Donc, je pense que ça fera partie du rôle très très important du directeur, de suivre tout ça, d'être en relation, en étroite relation avec les vétérinaires, avec les services vétérinaires qui quand ils émettent une mise en demeure sur une chaîne ou sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, eh bien, il faut y répondre, il faut faire les corrections, il faut amener les travaux qu'il faut, et tout ça, c'était pas très très suivi jusqu'à maintenant, et c'est pour ça un peu qu'il y avait quelques tensions avec les vétérinaires, mais je me répète qu'aujourd'hui sont vraiment effacées, les tensions n'existent quasiment plus. C'est sûr que c'est dur pour les opérateurs, c'est dur de travailler avec eux, avec des vétérinaires à côté, parce que c'est, sans être méchant, c'est un peu être un peu fliqué, parce que voilà, ils sont là, on n'a pas droit à l'erreur, donc on stresse un peu toujours avec les animaux, on ne sait pas ce qui peut se passer, il y a des animaux qui peuvent s'énerver, mais du coup l'homme aussi s'énerve après, donc bon voilà, c'est des petites choses qui, c'est des faits qui viennent et qui nous, en notre sens, sont un peu exagérés des fois, parce que maintenant on n'a plus le droit à, on n'a plus le droit de mettre un coup de bâton à une bête, on n'a plus le droit de la pousser avec le pied, on n'a plus le droit de... Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais après, au-delà de ça, on essaye quand même de respecter tout ça, et ça se passe bien. Donc je pense que David aura un gros rôle de ce côté-là, et après, bien sûr, c'est faire fonctionner l'abattoir, faire suivre les investissements, et bon, il n'en manque pas, on en a en vue, et il y en aura encore à prévoir dans les années à venir. Eta justoki aipatzen baituzu hor 2016an igantzena, ziek kambiamenik ekarri zunean ondotik, ez dakit obren aldeetik, ze kambiamen izan zen? Kambiamen, gujinez, deja bazuzun ordin kambiamen lanak egin zitzen, deja behikiko sena ho agaberritu dezie, kabali, aizagi zandadine haiti eta hola. Eta geoak eta habu, kaso eman batutzu hasteoz, planningeli bat eginik, kaso maiten ez kabale sobea eginin hartzia, operator hoiek ez, beti langilek sobea behar einhe. Luz azai badia, egite madia hamar da hamabo joan eginin, lehen mentuz hola habu aizututzu. Eta hoi kaso maiten zizien deja, eta hoi aitzina hola duzu. Egunak ez dutzu etxit hala kargatuik, eta... Hoitutzu kambiamen handien, geho lanetan bestelan etzuzun wala, behikian tako sena berri-berria duzu. Eta geho, ez, bardizu beti jente numbre batek izan, behikin bezala bardizu hamabi ustit bardian izan untsa itzeko lanin, afein tranquilki, eta su je haiten nahi gelai bardizu hamabo ustit izan, hiu habu. Eta hoitutzu gaiza hoiko, mentuz oai hobekisa irrespetatuk edo hola, bestelan geho kambio handik, stipen txatzen... izan den, jentek netak ez dutzen gaski lehen lan inai, eto oie aitzina itutzu behar den bezala. Eta, horitazten ahalda ikusi eziak administrazio kontseilean ze egiten duzi ezer da zian errola? Normalkin kontseil administrazionik jeraikitzen diz abatoa, direkturak egiten ditzugu bilkua libat, eta direkturak erraiten nuli gaiten den, nuli gaiten igantzeion hilabeti edo hola, nahi baduz. Eta geho balin bada lan edo hola egiteko, ebe ordin algarrekin haitatzen dizug egiten tugunez, ala ez egiten do hola. Hor, mementun, baziz bi urte ez dela bate hola, gus hartuz gehoz gaisa sumai kambiatu behitia, bena oai ustiz Jean-Michel eginoz handuz, abatoarin, ez duzu direkturik, bena hau badiz... egin zumait eta hilabete zumait beti kandela, nik zumaita ez espada hal juiten ez, baina Isuago Jean-Michel duzu han. Hoi jarraik itzen diz, gu aminibat habosek abotoreti beti, zizendaien lana Jean-Michel egiten diz, David helartino, David Sekalo helartino, eta gehoe mentuz lehen mena habose jarraikiko, isatuko izugu jarraik itzia, ahalaz hilabetin behin juntatzik usteko... Kusteko ze lan baden, eta holo, hor baduz gaisa paketa urrentzeko, eta gaisa paketa egiteko bueno, lan bezala batoarin, ordin badikezu jarraiki. Bueno. Eta hor, esplikatzu duzien bezala, baduzie eta komanda be talde lodientako, bena ebai laboiekin zide lanin, harremanak nula egaiten tia hebenko laboiekin lan? Nuli gaiten de laboiekin nahi duzak? Bai. Laboiekin pentsatzitun tsi gaiten den, egin ez dizugu... Si tu veux choper un site un peu gâchki, que bon, si ce mentus bilcue ça va être une des sujets directeur verrik en holar a discuté de ça quoi ça parce que que il cache ça que tout ce conseil administration une charte de tout ce génie nous te hein hoch ta charte quoi il là et ordina mementum bai un chabadus si si gente que ça ni que raite mais bon hoy mentus junta ça va être ça ne se gimbat juste que explique ça que oi nulla de attaquing gaisak gaisa sumai cambiato covid et chere Eta aipatzen behikunin ebai urdankak, hoi, beti jantza txikik da, sibeun, hor etxen urdanka egitia eta abator hilat jamaitia urdik? Oui, après la, bon, cette année c'était un peu spécial parce qu'on avait, au niveau de la chaîne porcine, elle était amenée à être fermée. On s'était un peu démené pour la garder ouverte parce que la mesure est sortie trop tard. En notre sens, elle est venue trop tard pour dire aux clients vous n'allez pas pouvoir tuer de cochons cette année ici. C'était, je crois qu'on était à septembre ou octobre. Donc on s'est dit non, il faut qu'on trouve une solution. Donc on a trouvé une solution qui n'est pas une solution à long terme parce qu'il y a des travaux à faire là aussi. Donc aujourd'hui, on a une décision. On est en train de travailler dessus. On a lancé un programme. On est en train de voir les travaux qu'il y a exactement à faire sur la chaîne porcine pour pouvoir la garder ouverte, sachant que quand même on a beaucoup diminué ces dernières années l'abattage de porcs. Bon, les particuliers peut-être ils ont diminué ou certains font faire ailleurs, ont commencé à faire ailleurs et du coup n'ont pas trop envie de revenir. Mais voilà, je pense qu'on est parti peut-être pour faire le minimum de travaux pour la garder ouverte, pour ne pas perdre quand même le service qu'on peut apporter à même au petit nombre de particuliers qui continuent à faire du cochon. Da sumbat kabale egiten da erugiatik urtin. Donc aujourd'hui, en nombre, on peut pas parler, on parle plus en tonnage. Aujourd'hui, l'abattoir, il avait un agrément pour 3500 tonnes à l'année. Et donc là, en 2020, on a passé 3800 tonnes, donc on avait demandé une dérogation. Donc on était passé jusqu'à 3800. Aujourd'hui, on va revenir, je pense, vers les 3500. Mais bon, c'est déjà quand même un gros travail. Voilà, après, sur le travail, il nous semble qu'on a un bon retour. Bon, Pierre, il a parlé des particuliers, mais des gros clients aussi, quand même, ils continuent à venir à l'abattoir de Montléon parce que c'est quand même un outil qui est performant. Les employés aussi font quand même, c'est reconnu, font quand même du bon travail, même du très bon travail, parce qu'il faut savoir qu'il y a des périodes, notamment Noël et Pâques, qui sont quand même très très compliquées, où il y a beaucoup d'heures et beaucoup d'animaux à passer. Aujourd'hui, je pense qu'on sort notre épingle du jeu. Après, c'est malheureux, c'est partout pareil, mais on a des fois envie de dire, eh bien, et sous le teint, enfin, même aux alentours, réveillez-vous, il y a un outil de travail qui est au service des agriculteurs, qui est au service des particuliers, et qui peut être mis en danger parce qu'on ne trouve pas de main-d'œuvre. Je sais que le problème de la main-d'œuvre, il est partout, mais, voilà. On a un paradoxe, c'est que, ici en dessous, on a quand même quasiment, je dirais 90% des exploitations qui sont reprises. D'exploitations familiales qui sont reprises par des jeunes. Et à côté de ça, on retrouve pas ces jeunes qui vont bosser à l'abattoir. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait que des fils d'agriculteurs qui bossaient à l'abattoir. C'était je finis l'école, mes parents sont jeunes, je viens travailler un peu, 2-3 ans, allez, même si c'est un an. Je bosse de 5h à midi ou de 5h à 1h à maxi. Et puis l'après-midi, je suis à la maison pour filer un coup de main aux parents. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc moi je trouve vraiment dommage qu'on mette cet outil, ce superbe outil qu'on a quand même en sous-le, en danger parce que voilà, parce qu'on a préféré aller travailler un truc un peu plus cool et puis ou aller laisser les parents faire jusqu'au bout et puis nous travailler à temps plein à l'extérieur. Bon voilà, c'est peut-être des mentalités qui ont changé, mais je lance vraiment un appel à si les jeunes agriculteurs là qui finissent l'école ont envie de gagner dessous, voilà, ça reste l'abattoir, mais voilà, il faut vraiment venir voir comment on travaille. Certes, ce cliché de 2016 va rester peut-être dans nos têtes, dans certaines têtes, mais voilà, c'est vraiment pas le boulot le plus dégueulasse, excusez-moi le terme, mais qui puisse exister. Aujourd'hui, il y a quand même des conditions de travail qui sont optimisées, qui vont être optimisées. On fait un gros travail là-dessus. Donc voilà, si vous vous sentez concerné, surtout n'hésitez pas. Eta justoki, helti bada urentzeko, zertia bedagun urteko sediak, ze jamanen duziesiek? Proje beza, zizan. Bai. Ordin baduzu gaiza haniz, baduzu stazion depurazioan egiteko. Badiz, deja bi urte barzukile eginik, edo hi urte eginik izan, mena wana egiteko duz ordin normalki aurten barginik ez hasi, edo dagin ordin behan denik. Geo baduz, asuia knune haite meiti hane gaiza rafreskatzeko, investizamentu eta prevu, gaiza fein hane baduz, geo baduz behikin urentzeko, gaizak. Zta hoitia ordin habo senik hilzen dien kabalik, behikik eta asuia? Behik eta asuia hoitutzu, eta geo... Justoki vante direktakoe hane bekanika handisenak kambiatzeko lutuketzi baduzu segeaba kupo kotoleuze eta masina zuhide eta hoiko horro berritzeko lutuketzi ordin haigututzu hoien oan debizan biltzen oai eta geho ikusteko egiteko kalandrie bat ikusteko nula eginen dugun oan egiteko menamentuz bizpala urtzen barren hoi duzu. Eta justok, vante direkta aipatzen behituzie, hoi, be ez dakit, kopia handitzen de azken urtetan? Ba denez haboki? Bai. Habo, bai, izan duz ebe COVID horrekin preforzta, jentik hortatu ingatutuz, merkatik ez betxean hun, eta behikin, eta xahalkin, eta xui, eta nebergeza. Odin jentek gehoag eta habo egindizi bek isatu izi isaltzia agia. Eta prefosta usine hobekise saltzen duzue kooperatibe edo makinuak saltzeko partez. Eta bena hor azken bi urtetan goatu itzuzun bai. Oa ikusiko ze eginen din, bena oa jartino bai. Edoz. Nahi duzue beste zerbait aipat, heltu bada? Ho, ez. ez erran egitutzu hor, egik justo galtu dizuk... Na balin bada lan txarkazale, jinditin ikustea zer den, ez egon entzuten dien gaizer znula den abator, jinditin ikustea, ikusteko gazki kambiatu itel, eta lan ez dela gaitz badae, ez dela lan intzusia. Bala, eskerrik hamitz. Eta ipatzen, justu, ipatzen zinen bezala, heltu bada Mauleko ehogiak ebai dila errol important bat, heben kolu jaldin? Quel rôle Sentako, pourquoi il faut le garder finalement là. Ouais, moi je vais conclure sur ça. Voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais l'abattoir de Montléon, il est primordial pour l'activité agricole, pour le maintien de l'économie sous le tine. Sur du multi-espèce, hein, j'insiste sur ça, mais voilà, aujourd'hui il y a de l'agneau, il y a de la brebis, il y a du bœuf, voilà, donc c'est pour ça qu'on veut maintenir ça. Et je le répète, mais on a vraiment besoin de cet outil. C'est l'agriculteur, l'éleveur qui parle. On a besoin de cet outil parce que quand on se rend compte, certains qui doivent aller faire des kilomètres et des kilomètres, je vous assure, quand on est dans l'abattoir, qu'on voit des gens arriver de très loin, qui font peut-être 100 km ou même plus pour venir amener une bête, c'est là qu'on se dit putain, on a de la chance de l'avoir à côté, et c'est toute une autre organisation si on n'avait pas ça. Donc aujourd'hui il faut vraiment qu'on maintienne cet outil. Il y a des agences d'intérim, on passe par des agences d'intérim aussi pour essayer de trouver du personnel. Si vous avez des craintes, ne vous inquiétez pas. Je sais que les derniers intérims qu'on a pris, c'est des périodes d'une semaine. Donc voilà, venez essayer, venez voir comment ça se passe, vous verrez par vous-même, et je vous assure que vous allez pouvoir trouver votre place au sein de l'abattoir. Eskerrik anitz, sir. Eskerrik anitz. Merci.